Sacha. Inox Electronic Festival. En direct de Toulouse sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. We'll be right back. Fun Radio, en direct de l'Inox Electronic Festival à Toulouse. Bonjour tout le monde, merci d'être là, fin de Radio Le Sondance Floor. C'est Party Fun, 21h, 6h, le vendredi soir, le samedi soir et week-end spécial à l'occasion de la 6ème édition de l'Inox Electronic Festival à la Dune de Toulouse avec David Guetta qui était au platine entre 2 et 4. Il y avait également Sébastien Léger entre minuit et 2h, en tout cas évidemment on sera là ce soir, samedi soir et également dimanche avec du très très lourd, Laurent Vol, Faxwell, John Dolbach, Simon Dello, Sébastien Grosso, Martin Solveig. Ça va être encore très très lourd jusqu'à 6h du matin, c'est Party Fun. Et là depuis 4h du matin, Sacha et John Dolbach sont au platine de la Dune de Toulouse pour l'Inox Electronic Festival. C'est évidemment en direct et en simultané sur Fun Radio. John Digui vous lâche 2 heures de mix sur Fun Radio. C'est l'Inox Electronic Festival. Sur Fun Radio.